Faites attention, Timan. Tout métier, c'est métier. Dans tout métier gagné, faut qu'on ait chaque importance. Dans tout métier gagné, faut qu'on ait chaque importance. C'est pas parce que musicien, pour dire que c'est vagabond. Faut qu'on mette en tête tout métier gagné, toujours utile, métier. Oui, c'est pas parce que musicien, pour dire que son bon à rien. Faut qu'on mette en tête tout métier gagné, toujours utile, métier. Mal parlant. Besoin yon marchand de l'eau, tout ça c'est exemple pour nous utiliser tout le monde ça yo. Oui, si ta vague est pas tu yo, n'a besoin yon boss plombier, tout ça c'est exemple pour nous utiliser tout le monde ça yo. Mais chaque métier est important, mais chaque métier est important, mais si c'est yon est important, mais chaque métier est important, ordonnier est important, mais chaque métier. Garçon.